cryptographie. De Yann Corridian et Sophie Quintan. Deuxième épisode. Je me demande si j'ai pas un problème. Je veux dire, un problème plutôt grave. J'ai une douleur persistante, là, juste sur le crâne, enfin, à l'intérieur, là, sous l'os de la boîte crânienne, au niveau des nerfs. Ça fait comme un nœud, ou plutôt un amalgame de nerfs qui forme une espèce de mini-pelote, et... Et ? Chut ! Ah, ça me fait mal au crâne, là, quand tu parles trop fort. Et ça me tire derrière les yeux, un peu comme si une corde était tendue à l'extrême, prête à rompre, là, juste derrière mes yeux. C'est ça, mais t'es complètement ma boule, mon pauvre. Hein. Il faut dormir. Dormir. Et tes histoires de cas, blablabla. Faut arrêter et essayer. Et quoi ? Grandir. Dormir et grandir. C'était quoi, ça ? T'as entendu, non ? C'est Paul ? Il est quelle heure ? Mais ça va, il est 22h12. Tu penses à demain ? Non. Enfin, oui. Ben, ça va aller. T'es débrouillard comme garçon. Alors tu vas faire marcher ta tête. Après avoir bien sûr réglé tous tes problèmes de câbles et de tensions et de douleurs. Et tu vas trouver une solution. Et t'as rappelé ta mère et Boris ? Non. Enfin, j'ai eu un texto de ma mère, mais elle a dû faire une fausse manip. Ah bon ? C'était quoi le texto ? J'ai encore grossi. Ok. C'est vrai, ceci dit, qu'elle a grossi. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu, ton oncle ? Je me rappelle plus bien. Je crois que Paul venait d'avoir 9 ou 10 ans. Ça fait un bail, quoi. C'était un jeudi, ça, j'en suis sûr. Je sais pas pourquoi, je me souviens du jour, mais bon... ma mère m'avait appelé, Christian était à Paris, incognito. Il voulait nous voir, elle et moi, pas Boris. Il nous avait donné rendez-vous dans un hôtel de la rue de Ponthieu. Je déteste cette rue. Ma mère s'était mise sur son 31, pas tous les jours qu'elle voyait son frère, hein. Aîné de surcroît. Et moi, je crois que j'avais encore ma moto, la petite, orange et noire, la Honda. Mm. Le type de l'accueil nous a donné le numéro de la chambre, c'était au premier. On aurait dit un hôtel de passe. T'es déjà allé dans un hôtel de passe ? Mais non, mon amour, mais jamais de la vie. J'ai été gérant d'un bordel, mais c'est tout. T'es con. On a toqué à la porte et il nous a ouvert instantanément, un peu comme s'il avait été juste derrière, l'œil rivé au Judas. Il est tombé dans les bras de ma mère, sa sœur, en disant « Ma petite Roro !» C'était gênant. Ils sont restés enlacés une bonne minute. C'était interminable. Et comme ils étaient dans l'embrasure de la porte, moi j'étais planté comme une sardine de tente dans le couloir. Mon oncle me jetait des coups d'œil par-dessus l'épaule de ma mère, puis ça a été mon tour. Mais avant, il m'a fait entrer et a fermé la porte à double tour. Il m'a enlacé et j'ai tout de suite senti la bosse sous le pan gauche de sa veste. C'était quoi ? Une arme. Un revolver, quoi. Dans un holster. Oh là là. Tu vas voir dans la chambre de Paul ? Ouais. Chérie, faut se coucher. Tu commences à quelle heure demain matin ? T'as pas un contrôle de... je sais plus, là... Bac blanc de français, à l'oral. C'est pas vendredi ? Si, mais demain, nous sommes vendredi. Ouais. Tu suis bien les jours de la semaine, ça fait plaisir. Tu voudrais tomber sur quoi ? Soit Martine va à la plage, soit Barba papa, enfin je sais pas, mon cœur balance. Non, mais... sérieux, poulet... Martin Eden ou alors Isidore Ducasse. Ah, tu m'épates, mon fils. T'as des goûts bien affirmés, c'est... bien. Je suis fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne, je croyais être davantage. Alors je ne peux qu'ajouter... je te salue, vieil océan. Alors, il faisait quoi, ton fils ? Il m'a cité l'autre et amant. Eh ben... Ah ouais ? Ouais. J'étais encore sur le parking. J'étais avec un ami. Mais j'étais un jeune converti. C'était la première fois que j'allais dans une mosquée au moment du Ramadan. C'était le désert autour. Nous sommes arrivés un peu avant l'heure de l'appel. Nous nous préparions spirituellement pour la prière. Elle allait être longue et j'avais le trac. Mais, vous savez, Avec l'aide d'Allah, je savais que je ne craignais rien. Nous sortons de la voiture avec mon ami. Il part devant moi, je ferme la voiture. Je regarde le ciel. Et là, tenez-vous, des flocons de neige tombent du ciel. Et exclusivement sur ma voiture. Bien sûr, je n'en revenais pas. Je vais voir sur les toits des autres voitures, mais c'était sec. Je rappelle mon ami qui était pratiquement rentré dans la mosquée. Je lui dis, viens voir ce qui se passe. Je lui montre le toit, il me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, il y a des gouttes sur la voiture. Nous sommes dans le désert. Regarde, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage. Il a regardé le ciel, avec des larmes dans les yeux. Il s'est mis à pleurer. Bonjour mon amour. Faut que tu regardes ça. Mmh. Mmh. Mmh, tu sens bon. Mmh. T'as les yeux tout plissés. On dirait un bébé opossum. Ouais, tu t'es levé trop tôt, toi. 5h20. J'ai cherché Christian sur Google et je suis tombé là-dessus. Une vidéo où il raconte sa récente conversion à l'islam. Mais il a l'air frappé, il me fait peur. J'ai vérifié aussi son heure d'arrivée. Il y a bien un avion qui arrive de Damas aujourd'hui. Je sais pas comment trouver ce foutu fric. Revends le fusil. Mais je l'ai plus. Je l'ai offert. À qui tu peux offrir un fusil aussi cher? J'ai l'impression que t'es quelqu'un d'autre, là. Une personne inconnue. Tu m'as déjà menti, Olivier? Ouais, super, tu m'as déjà menti, quoi. Bon, bah, je vais me recoucher. Et puis, pas la peine d'essayer de venir me rejoindre dans la chambre. Je vais fermer la clé. Y'a pas de verrou, chérie, hein? Je t'ai jamais menti. Si, une fois. C'était pas pour un fusil, cet argent. Un freak out. Le freak. Mythographie de Yann Corridian et Sophie Quintan. Freak out, le fric c'est chic. Freak out. Deuxième épisode avec Guillaume de Tonquédec, Laure Calamy, Thomas Sagols, Eric Arson Macarel. Bruitage Patrick Martinache. Équipe de réalisation: Bernard Laniel, Emmanuel Armin, Yaël Mandelbaum, Laure Egorov. It's called le freak, but doing it after day. Allows I show the way. Ah, freak out. Le freak, c'est chic. Freak out. Freak out. Le freak, c'est chic. Freak out.